الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن من آداب الإسلام الحميدة وخصاله الرشيدة إفشاء السلام فإن السلام تحية المؤمنين وشعار الموحدين وداعية الألفة والمحبة والإخاء بين المسلمين وهو تحية مباركة طيبة من عند ربنا عز وجل قال الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أي نسلم بعضكم على بعض إذا دخلتم بيوت المسلمين كما رجح هذا القول ابن جرير رحمه الله تعالى السلام تحية الملائكة لأهل الجنة عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة زمرا وتفتح لهم أبوابها قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فالسلام تحية الملائكة لأهل الجنة وهي تحية أهل الجنة بعضهم بعضا قال الله سبحانه وتعالى تحيتهم فيها سلام وهي تحية أبينا آدم عليه السلام وذريته في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على هؤلاء النفر أي من الملائكة فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله فزادوا ورحمة الله ومن فضائل ومن فضائل إفشاء السلام أنه من خير الإسلام أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فنشر السلام وإفشاؤه من خير الإسلام من خير الإسلام ومن أفشى السلام فهو من خيار المسلمين وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيته فسلم عليه، أي من حق المسلم على المسلم. السلام سبب عظيم للألفة وتقوي للألفة بين المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فإفشاء السلام سبب الألفة والمحبة وتقوية الإخاء بين المسلمين. وتقوية المحبة بين المسلمين سبب تقوية الإيمان، وأهل الإيمان هم أهل الجنة. وخير الرجلين من بدأ بالسلام، خير الرجلين من بدأ بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليهما. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الحديث من حديث عمران ابن حسين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر الذي يترتب على السلام. دخل رجل فقال: السلام عليكم، ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء الثاني وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن شرع لهم أحسن الهدى وأقومها. ومن سنة السلام وآدابه أن يسلم الصغير، أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ومن أخلاق الحميدة الدالة على تواضع العبد أن يسلم على الصغير، على الصبيان، كما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر آنس ابن مالك رضي الله عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لزوم صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Parmi les nobles comportements que l'on trouve en islam, le fait de propager le salam, le fait de se saluer les uns les autres, le fait de saluer chaque croyant que tu rencontres. Le salam, c'est-à-dire le fait de dire assalamu alaykum, est l'emblème des croyants, des monothéistes. Le salam est le salut des musulmans et la cause de leur unité et de l'amour les uns pour les autres. C'est un salut béni qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, dans Surat An-Nur, la lumière, sur la traduction approximative: lorsque vous entrez dans les maisons ou dans une maison, passez le salam sur vous-même, c'est-à-dire aux croyants, un salut émanant d'Allah qui est béni et bon. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala dans l'exégèse de ce verset dit, c'est-à-dire que lorsque vous entrez chez des musulmans, passez le salam. D'autres ont dit, lorsque vous entrez chez vous, saluez femmes et enfants. Et la première parole englobe le tout. Le salam est le salut par lesquels les gens du paradis seront accueillis par les anges. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Az-Zumar, les groupes, nous enseigne que les croyants arriveront en masse, groupe après groupe, et que les anges les accueilleront. Et leur salut sera ce jour-ci, As-Salam. Ils les accueilleront avec le salam. Le salam est également le salut des gens du paradis, les uns envers les autres, alors qu'ils seront entrés au paradis. Le salut sera le salam. C'est également le salut de notre père, le père de l'humanité, Adam alayhi salam, et celui de sa descendance. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah créa Adam alayhi salam, il lui dit, rends-toi auprès de ce groupe d'anges. Ils étaient assis. Puis, salue-les et écoute ce qu'ils te répondront. Et cela sera ton salut et le salut de ta descendance après toi. Alors Adam, alayhi salam, alla auprès d'eux et dit, assalamu alaykum. Et les anges ont répondu, wa alaykum assalam wa rahmatullah. En ajoutant rahmatullah, voici le salut de notre père Adam et celui de sa descendance après lui, alayhi salam. Et cette salutation renferme de nombreux bienfaits et découle de celle-ci d'énormes récompenses et un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme en hadith Abdullah ibn Omar, radiallahu anhumma, suite à la question qu'un homme lui posa, ô messager d'Allah, quel est le meilleur islam? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, de nourrir les gens et de passer le salam à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. Ceci est le meilleur islam, c'est-à-dire en matière de comportement et de relationnel, voici le meilleur islam. Être généreux et nourrir les gens, particulièrement les besogneux, et saluer toute personne que tu rencontres, ce que tu connais et ce que tu ne connais pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même que parmi les signes de la fin du monde, le fait de saluer que ce qu'on connaît. Le fait de saluer que ce qu'on connaît. Ceci est un mauvais comportement. Ceci est un mauvais comportement. Le fait de saluer celui que tu connais, de délaisser celui que tu ne connais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance du salam au point de nous dire que c'est un droit du musulman sur le musulman. Il nous dit les droits du musulman sur son frère sont nombre de 6. Il a cité, lorsque tu le rencontres, salue-le. Et dans un autre hadith, le fait de lui répondre au salam. Et lorsqu'il y a un groupe, si une personne salue, alors c'est suffisant. Et si une personne répond, alors c'est suffisant. Car c'est une obligation collective. Si un groupe rencontre un autre groupe, et qu'une seule personne passe le salam dans le premier, du premier groupe, et qu'une seule personne répond au salam du deuxième groupe, alors la sunna aura été concrétisée et l'obligation levée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le fait de se passer le salam est une grande cause pour rapprocher les cœurs des croyants, pour renforcer leur fraternité et les éloigner de tout mal. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne serez pas croyant tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la mettez en application, vous vous aimerez les uns les autres. Passez-vous le salam. Subhanallah, le fait de se passer le salam lorsqu'on se rencontre est une cause pour renforcer l'amour qu'on a les uns envers les autres. Et si cet amour est renforcé, la foi augmentera. Et si la personne est sur la foi, sur l'iman, alors il fera partie des gens du paradis. Il y a un lien entre ces trois choses-là. Et plus la personne passe le salam, plus sa foi augmente. Et plus elle délaisse cette sunnah, plus sa foi diminue. Et sachez que le meilleur des deux qui se rencontrent est celui qui commence à saluer son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui est le plus proche d'Allah est celui qui passe le salam en premier. Si tu rencontres ton frère, essaye de le devancer dans la salutation, car tu seras le meilleur chez Allah, le plus proche chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur à faire est de rendre le meilleur salam et de passer le meilleur salam. Et ceci se concrétise en disant assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement motivé dans la pratique et la propagation de cette sunnah qu'il nous dit, si quelqu'un vous parle avant de vous avoir passé le salam, ne lui répondez pas. Il était tellement motivé dans la concrétisation de cette sunnah qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous êtes en groupe et qu'un arbre vous sépare, repassez-vous le salam. La moindre séparation rend légitime le fait de repasser le salam. Tu marches avec ton frère et un poteau vous sépare, un arbre vous sépare, il sache qu'il t'est légiféré de lui repasser le salam. Il t'est légiféré de lui repasser le salam. Cette sunnah est ignorée par bon nombre d'entre nous. Il nous faut la revivifier. Il nous faut la revivifier. Tu marches avec ton frère, une chose te sépare de lui, repasse-lui le salam. Et s'il s'étonne, enseigne-lui cette sunnah. Enseigne-lui cette sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah tabaraka wa ta'ala, nous enseigne dans le Coran, dans surat An-Nisa, sur la traduction approximative des sens du Coran, lorsqu'on vous salue par un salut, répondez par un meilleur. Par un salut meilleur. Si on te dit assalamu alaykum, réponds pas, ajoute wa rahmatullah. Si on te dit wa rahmatullah, ajoute wa barakatuh. Et pareillement pour le comportement, si on t'a souri, réponds aussi avec le sourire, et ainsi de suite. Puis les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut ajouter à wa barakatuh? Certains parmi les pieux prédécesseurs interdisaient cela, comme Ibn Abbas radiallahu anhuma, et d'autres le permettaient. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que la récompense augmente de par le comportement que tu as au moment de passer le salam. Si tu as un visage détendu, si tu souris à ton frère, si tu lui serres la main, si tu lui demandes de ses nouvelles, si tu lui souhaites la bienvenue, en lui disant « Ahlan wa marhaban » par exemple, et en lui demandant de ses nouvelles, sa santé, sur sa santé, sur sa famille, ainsi de suite, sans aucun doute, ceci sera plus grand en matière de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, un homme est entré et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au jour de la sixième, assalamu alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 10, lui l'homme s'est assis. Un deuxième est entré et a ajouté wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 20. Un troisième est entré et a ajouté wa barakatuh. Le prophète alayhi salat wa sallam a dit 30. De cela, on comprend que chaque parole vaut une hasana, que la hasana est multipliée par 10, comme le Coran nous l'enseigne. Et le salam le plus complet et de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu auras 30 récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole bénie qui renferme beaucoup de bien. Tout comme elle renforce la fraternité et l'amour entre les croyants, elle dissipe le mal et repousse de les nuisances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que de répandre le salam sera une cause pour être en sécurité, pour être préservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que de passer le salam en rentrant dans le foyer est une cause de bien et de subsistance et d'augmentation de la subsistance. Celui qui rentre chez lui et dit Assalamu alaikum, Allah Azza wa Jal met le bien dans cette famille. Et il augmente leur subsistance et met le bonheur dans cette famille. Et parmi les nobles comportements lorsqu'on se passe le salam, c'est que le plus jeune salue le plus âgé. Si tu rencontres une personne et qu'elle est plus âgée que toi, salue-le en premier et dirige-toi toi vers elle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui est sur sa monture salue celui qui marche. Donc si tu passes en voiture, salue celui qui marche, celui qui est à pied. Si tu as un vélo, salue celui qui marche, celui qui est à pied ou ceux qui sont assis. Et celui qui est dans le groupe minime, salue celui qui est dans un groupe plus important. Si tu es dans un groupe composé de 4 personnes et que tu rencontres une dizaine de personnes, c'est à vous de commencer par le salam. Mais si vous ne le faites pas, alors l'autre groupe vous passera le salam pour pas que cette sunna se perde. Et si une personne est à pied, elle salue celle qui est assise. Et parmi les comportements proscrits, le fait de saluer qu'avec un geste de la sorte. Certaines personnes, pour se saluer, font ce geste-là, ou bien en reposant cette main sur leur poitrine par la suite, ou elles font de la sorte et ajoutent cela. Sans passer le salam, ceci est proscrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Mais si la personne est éloignée ou qu'elle ne t'entend pas, tu lui passes le salam avec la bouche et tu fais ce geste pour informer que tu lui as passé le salam. Un autre comportement à délaisser, c'est le fait de venir dans une assemblée ou des personnes d'ordre et de passer le salam à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait dans un endroit où il y avait des gens réveillés et des gens qui dormaient, il passait le salam, certes, mais un salam suffisamment audible pour faire entendre ceux qui sont réveillés, mais pas trop élevé pour pas nuire à ceux qui dorment. Voici certains comportements et certains bienfaits du salam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans sa noble tradition. Propagez donc as-salam ayyuha al-muslimoun. Hada wa ahadu ikhwanina lahu maridun inda wa huwa abu yashku maradan shadidan wa yatlubu minkum ad-du'a. وغيره كذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يشفيه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.